Chapitre 8e. Humphrey Vargas était depuis 6 semaines enfermé dans la prison de Highley, où les assises venaient d'être ouvertes. Le meurtrier allait être jugé. La police du comté n'était pas restée inactive dans l'intervalle. Elle avait désigné de nombreux témoins. Le rapport contenait de multiples détails sur la mort violente de Sir Walter Blake. Tous tendaient à confirmer la déclaration du prisonnier et à établir sa culpabilité. Bien que Sir Blake de Tangle Manor eût été un des hommes les plus généralement estimés du comté, Vargas n'en inspirait pas moins aux classes inférieures la sympathie la plus vraie. Parmi l'aristocratie, il va de soi qu'il en était tout autrement. Les remords du coupable se livrant lui-même à la justice au bout de 20 ans, ses infirmités, les terribles tentations auxquelles le pauvre est exposé, étaient des circonstances atténuantes, mises en avant par les orateurs radicaux en faveur de Vargas, contre le luxe et l'égoïsme du riche. À les entendre, dans l'écurie du Squire Blake, il n'était pas un cheval qui ne fût mieux nourri et mieux logé que le coupable. Le riche, répétait-on à satiété, peut arrondir ses propriétés, ajouter une maison à une autre, mais sur le champ de bataille, son sang vaut-il mieux que celui du pauvre? Que leur importait de sortir de la question pourvu qu'ils puissent faire triompher leur cause? Le jour de la comparution de Humphrey Vargas devant le tribunal arriva enfin. Une animation inaccoutumée régnait à Highley. Cette petite ville, ancienne et originale, sombre et irrégulière, attachée au passé, ayant de vieilles maisons datant des Tudors, des rues tortueuses où l'on est obligé de monter ou de descendre, suivant la hauteur du niveau pour atteindre jusqu'aux maisons, offre un aspect très pittoresque et qui ne ressemble qu'à lui-même. Le comté du Daleshire peut se vanter de posséder des cités plus grandes, plus belles et moins stationnaires surtout que Highley. Blackford, où le fer devient or, Avonmore, aux beaux jardins ombragés, où les riches Blackfordiens aiment aller jouir de l'élégance et du luxe moderne, Doldrum, industrieuse et fameuse à la fois par ses tours rondes, ses superbes églises, ses faucheuses mécaniques et tous ses instruments perfectionnés de tôle et d'airain. Malgré la supériorité de ces différentes villes, tant par l'importance de la population que par leur développement commercial, Highley, quoique moins turbulente, n'en garde pas moins le premier rang au point de vue romantique et historique. Elle date du Moyen Âge. L'église, le château, l'école, l'hôtel de ville, le vieux pont à une seule arche, jeté sur l'étroite rivière, offrent un vif intérêt. Ceux qui sont sensibles aux aspects mystérieux des choses, aux traditions du passé, trouvent donc infailliblement plus de charme à Highley qu'à Goldrum ou à Avonmore, malgré leur construction plus riche et plus symétrique. Le corps de bâtiment ajouté depuis quelques années à la prison où était enfermé Vargas frappait les regards par son goût détestable, tandis que la première partie de cet édifice était extrêmement curieuse et pittoresque. Arsenal à son origine, ses murs épais étaient percés de meurtrières qui éclairaient mal les cellules des prisonniers. Les fondations s'élevaient sur les rives rocheuses d'une rivière au courant impétueux et rapide. Vu de ce côté, on eût dit un donjon formidable plutôt qu'une prison des temps modernes. À l'intérieur, une cour carrée, entourée d'un préau, permettait aux prisonniers de faire leur promenade par tous les temps. C'était là aussi que le gibet était dressé pour des exécutions heureusement fort rares. La matinée était froide et triste. La ville avait un aspect maussade comme le temps. En dépit d'un événement aussi important que les débats d'une affaire criminelle, il ne régnait pas la moindre animation dans les rues. La cour devait entrer en séance à 11 heures. À 10, Morton arriva à l'hôtel des diligences, fit mettre son cheval à l'écurie et se dirigea vers le palais de justice. La pluie tombait. Pendant les 6 semaines qui venaient de s'écouler, Morton avait été surchargé de préoccupations et de fatigues. Il avait eu audience sur audience avec les membres de la police du comté, brûlant de connaître le résultat de leurs investigations et désireux d'en pouvoir tirer des inductions profitables. Il avait même payé à ses frais un détective de Londres comme renfort à la police locale. Mais ce limier excellent, dont le genre d'investigation était connu du Royaume-Uni tout entier, loin de lui servir à démêler les chevaux embrouillés de cette affaire, ne fit que l'emmêler davantage. Bientôt il lui parut qu'il était superflu de s'adjoindre plus longtemps cet agent inutile et dispendieux. Découragé par le résultat négatif, Morton le congédia et s'en remit simplement à la police locale. Le jour où les débats allaient s'ouvrir étant arrivés, Morton se rend au tribunal en passant par le pont. Là, il s'appuie contre le parapet, regarde la prison de Vargas, se demandant quelle était la meurtrière qui éclairait la cellule du prisonnier, ne sachant quelle partie du bâtiment il occupait. Morton pénétra dans le palais de justice par une porte latérale qui donnait directement accès dans la salle d'audience. Connu de tous les magistrats, il prit le siège qui lui était réservé. De cette place, il pouvait tout voir, tout observer. La salle était comble, car chacun se promettait depuis longtemps de suivre les débats de l'affaire en commentant d'avance les résultats probables. À peine Morton était-il assis que l'élégante Madame Aspinall vint s'installer près de lui. Elle exhalait une forte odeur de verveine et se plaignit en arrivant de la température étouffante de la salle. Lord Blatchmardine et son fils suivirent presque immédiatement cette élégante personne. En passant devant Morton, ils serrèrent affectueusement sa main, adressant au jeune homme une parole sympathique. Les couloirs et la salle des pas perdus regorgeaient d'une foule de gens qui voulaient à toute force voir l'accusé et entendre les débats, chacun s'adressant des questions sur la façon dont l'affaire allait s'engager. Les témoins seraient-ils interrogés ou non, ainsi que cela se pratique habituellement? Le sentiment populaire était en faveur d'un long débat. Aussi chacun de se féliciter lorsqu'un individu affirmait d'un air d'autorité que le shérif avait confié l'affaire à un avocat qui devait plaider la non-culpabilité, ce qui donnerait lieu nécessairement à de longs et intéressants débats. « Voici Morton Blake, » dit un gros homme chauve à la figure joviale encadrée de favoris grisonnants. Quoiqu'arrivé tard, il était parvenu à se faufiler derrière la table où se placent les membres du conseil. « Comme il est pâle, » ajouta-t-il, « il prend évidemment cette affaire trop à cœur. » À côté de la personne qui a prononcé ces paroles, Madame Aspinall étale le luxe de ses dents plus ou moins fausses et de ses sourires plus ou moins vrais. Plus loin, Sir Everard Courtenay donne en passant une poignée de main à Morton. Là-bas, Lord Blatchmardine et son fils. Ce dernier est le gentleman le plus correct et le plus charmant du monde. C'est du moins ce que vient d'affirmer le médecin de Highlear, Shafto Jebb, qui, grâce à sa profession, connaît tout le monde. Il est pourtant juste d'ajouter que, à l'entendre parler chevaux, on eût pu le prendre pour un vétérinaire plutôt que pour un disciple d'Hippocrate. « C'est un beau garçon, assurément, » lui répond sa voisine. « Mais à mon avis, Sir Everard Courtenay a bien plus grand air. C'est un vrai type d'aristocrate, celui-là. C'est avant tout un homme de bureau, ne sortant pour ainsi dire jamais de sa bibliothèque. Quelle différence avec Lord Baville, par exemple, qui est sans contredit l'un de nos meilleurs cavaliers et l'un des plus grands chasseurs devant le Seigneur. » Mais Sir Everard était jadis le premier chasseur du comté. Y aurait-il donc renoncé? Oui, il ne chasse plus depuis 20 ans, c'est-à-dire à partir du jour où fut commis l'assassinat de Sir Blake. C'était au début de la saison, les haies étaient encore vertes, ce fut la plus triste chasse dont je me souvienne. Vous rappelez-vous donc toutes les circonstances de cette journée? Parfaitement. J'étais jeune, j'étais garçon. Dans ce temps-là, j'avais 4 chevaux dans mon écurie. Maintenant, je travaille bien davantage et je n'en ai plus que 2. Ah, c'était le bon temps. Ce n'est pas très flatteur pour Madame Jebb, riposta M. Monk, le recteur de l'endroit. Madame Jebb est incontestablement la meilleure des femmes. Mais on n'est jeune qu'une fois, M. Monk, et un homme regrette toujours cette joyeuse et libre période de son existence. Il n'y a pas de doute, je présume, sur la culpabilité de l'accusé, reprit M. Monk, qui ne portait pas plus d'intérêt à l'affaire qu'au bonheur domestique de M. et Madame Jebb. Je ne saurais encore me prononcer, répondit M. Jebb. Si je pouvais pénétrer dans la salle des témoins, il est certains points douteux que j'éclaircirais probablement, mais je ne suis pas témoin et j'en suis bien aise. Que voulez-vous dire? Reprit vivement M. Monk. Sauriez-vous quelque chose? Il est un certain point que je pourrais éclaircir, mais qu'importe. Voici le prisonnier. Quel pauvre brute! Quelle expression dure est peinte sur le visage de Morton Blake en toisant l'accusé! Ce jeune homme paraît terriblement vindicatif. Tous les yeux étaient tournés vers Vargas, homme de sac et de cordes qui se traînait plutôt qu'il ne marchait. Le dos courbé comme la lame d'une serpe, les joues creuses, les bras longs et maigres, les cheveux gris hérissés, tout en lui prouvait qu'il avait dû longtemps coucher à la belle étoile et se passer de souper. Il jeta un regard circulaire dans la salle. Il avait l'air ahuri d'un individu qui passe de l'obscurité à la pleine lumière. Puis, voyant qu'il était le point de mire de toute l'assemblée, il frissonna et tomba comme une masse sur une chaise. Le jury ayant prêté serment, l'acte d'accusation fut lu au prisonnier. En réponse à l'interrogatoire habituel, il plaida la non-culpabilité. Le ministère public, par l'organe de M. Camille Russell, fit alors un exposé des faits. Le 20 octobre, M. Blake de Tangley Manor avait été trouvé assassiné dans un fossé sur la route d'Authorpe, le crâne fracturé par un instrument tranchant. L'enquête du coroner et le témoignage du médecin étaient d'accord pour démontrer que la mort provenait de la fracture du crâne et que le meurtrier avait dû traîner sa victime dans le fossé, que la chaîne, la montre et le cachet portés au dire de tous ce jour-là par M. Blake avaient été retrouvés, 3 mois plus tard, chez un prêteur sur gage de Great Barford, ville du comté voisin. Le prêteur, même au bout de 20 ans, reconnut Vargas au milieu des 6 prisonniers qui se promenaient sur le préau de la prison. Le pied gauche, notamment, qui tournait en dedans quand l'accusé marchait, correspondait exactement à l'empreinte prise sur le chemin, à côté du fossé et dans les champs contigus au théâtre du crime. Un paysan occupé à la récolte du houblon dans le comté de Kent, 15 jours avant le meurtre, eut l'occasion de rencontrer par hasard Vargas, qui alors n'avait pas un sou. Une semaine après, ils se retrouvèrent de nouveau. Vargas invita ce même homme à dîner, et il avait ses poches pleines d'or. L'avocat raconta qu'à dater de cette époque, Vargas avait été d'une inconduite notoire. En examinant les allures, les habitudes et les circonstances de la vie de l'accusé, on s'étonnait non pas qu'il eût commis ce crime, mais qu'il n'en ait pas commis d'autres. Le nom du premier témoin appelé à prêter serment produisit une vive sensation parmi l'auditoire. C'était celui de Sir Everard Courtenay. « Quel bel homme !» murmura Madame Aspinall en ajustant son binocle sur son nez aristocratique. « Comme il est bien conservé !» Une des grandes préoccupations de Madame Aspinall était de se rajeunir. À cette fin, elle teignait ses cheveux gris en blond vénitien, expression qui lui était familière, et elle dissimulait ses rides sous une épaisse couche de fard. Sir Everard aurait rougi d'avoir recours à de pareils artifices. Ses cheveux blancs enveloppaient d'une sorte d'auréole majestueuse sa tête toujours belle. Il est probable que des cheveux teints ou une perruque eussent produit un tout autre effet. Sir Everard raconta brièvement comme quoi s'était présenté chez lui le 20 octobre dans la soirée Humphrey Vargas, et comment cet homme avait déclaré être l'auteur du crime commis sur la personne de Sir Walter Blake. Il ajouta que lui, Sir Everard Courtenay, avait ensuite écrit et signé cette déposition faite par Vargas en présence de John Jackson, le constable. M. Tomplin, avocat du prévenu, interrogea ensuite le témoin en ces termes. Vargas n'était-il pas ivre au moment de la déclaration? Sir Everard, j'ai la conviction qu'il ne l'était pas. M. Tomplin, n'avez-vous rien remarqué de violent, d'emporté dans sa manière d'être? Sir Everard, d'irrité oui, de violent non. Au premier moment, j'ai été décidé à ne pas tenir compte de sa déclaration, persuadé qu'il la désavouerait le lendemain. Je l'avertis ensuite que c'était une affaire très sérieuse et qu'il se passait la corde au cou. À son air misérable et affamé, je supposais que le désespoir l'avait poussé à se livrer à la justice en feignant un crime imaginaire. Monsieur Tomplin, vous faisait-il l'effet d'un cerveau faible? Sir Everard, non. Il s'exprimait d'une façon assez rationnelle et persista obstinément dans sa première déclaration. Monsieur Tomplin, vous étiez, je crois, l'ami de la victime. Sir Everard, oui, et depuis de longues années. Monsieur Tomplin, vous aviez fait avec lui une partie du chemin en revenant de la chasse? Sir Everard, non. Je suis rentré plus tôt que lui et par un autre chemin. Monsieur Tomplin, quand et où l'avez-vous vu pour la dernière fois? Sir Everard, sur la commune de Gillspur. Après une course de 20 minutes, la piste étant perdue, je l'ai attendu. Monsieur Tomplin, lui avez-vous parlé? Sir Everard, oui, nous avons causé quelques instants. Monsieur Tomplin, était-il dans un état d'esprit normal? Sir Everard regarda le juge d'un air fatigué. Il paraissait se demander à quoi bon prolonger cet interrogatoire qui n'aboutissait à rien. Le zèle de M. Tomplin, nouvellement entré dans la carrière, avait besoin d'être modéré. « Je ne vois pas le but de toutes ces questions, » dit le juge. « Vous ne sauriez vouloir établir que M. Blake s'est suicidé, qu'il s'est fracturé lui-même le crâne avec un gourdin, qu'il s'est roulé dans un fossé après s'être dévalisé. »« Non, Milord, mais je veux démontrer qu'il pouvait avoir un ennemi. Ce meurtre n'a pas eu nécessairement pour mobile l'appât du gain. Des passions plus fortes ont peut-être conduit la main du meurtrier. » Il est urgent que le jury soit informé de toutes les circonstances de l'affaire et qu'il sache exactement quel était à cette époque l'entourage de M. Blake. Sir Everard, souriant avec dédain. M. Blake était très calme ce jour-là, et causait de fort bonne humeur avec les uns et avec les autres. M. Tomplin, vrai, lui soupçonniez-vous quelque ennui, quelque souci, soit domestique ou autre? Sir Everard. Son intérieur offrait l'image du bonheur. Il aimait passionnément les trois enfants que sa femme lui avait laissés. À la tête de sa maison était sa sœur, une bonne et charmante femme. M. Tomplin. Il se peut cependant qu'il ait eu quelques chagrins secrets. Je suis obligé d'aborder ici un sujet très délicat, et je désire le faire avec la plus grande réserve. N'est-ce pas un fait avéré, Sir Everard, que M. Blake était un des plus grands admirateurs de Lady Courtenay? Sir Everard. Avant d'être Lady Courtenay, Miss Alice Rothmey avait eu de nombreux admirateurs, parmi lesquels était, je crois, M. Blake. M. Tomplin. N'y eut-il jamais trace de ressentiment entre vous et M. Blake, lorsque Miss Alice Rothmey devint votre femme? Sir Everard. Nous sommes restés en très bons termes, M. Blake et moi, jusqu'à sa mort. J'ai des raisons pour désirer que le nom de ma femme ne soit pas mêlé à cette affaire. Il n'y a aucun rapport entre elle et le cas présent. Ici, le juge intervint, déclarant qu'il fallait se contenter des explications déjà fournies par Sir Courtenay, vu qu'il n'admettait pas les investigations que s'était permises l'avocat de l'inculpé. On lut la déposition de Vargas, puis John Dick, un laboureur, fut entendu comme témoin. Monsieur Cumming Russell, vous êtes un de ceux qui ont trouvé le corps de M. Blake. Veuillez raconter au jury exactement ce qui s'est passé. John Dick. La journée finie, je rentrais chez moi avec mon compagnon Daft. Nous suivions la route d'Hawthorpe. La lune brillait. Nous marchions lentement comme il arrive lorsqu'on est éreinté par une journée de travail. Tout à coup, mon camarade aperçut quelque chose dans le fossé. Au moment où moi-même, je voyais un chapeau sur une flaque d'eau de l'autre côté du chemin, tout près de la haie de Blatchmardean. « Oh, ciel !» s'écria-t-il, saisi de stupeur. « Est-ce un chien? Est-ce un homme ?» En un clin d'œil, nous nous mîmes à la besogne et retirâmes de l'eau une masse informe toute couverte d'herbe et de boue. C'était un homme. Nous crûmes que ce devait être un ivrogne, qui, s'étant endormi sur le talus, avait roulé au fond du fossé. Mais quand nous l'eûmes étendu sur la route, nous vîmes à son habit rouge, à ses boutons dorés, à ses grandes bottes, que c'était un chasseur. Un peu plus loin, nous aperçûmes sa cravache. Nous pensâmes que son cheval s'était emporté et l'avait jeté au fond du fossé. Ce qui ne pouvait faire aucun doute, c'est qu'il était bel et bien mort. Daft alla chercher du secours à Hawthorpe. Moi, je restais près du cadavre. Une heure après, mon compagnon revenait accompagné du constable et d'un autre homme. Il s'était muni d'un brancard et d'une lanterne. Dès qu'on eut approché la lumière du visage du mort, le constable s'écria « C'est le Squire Blake, de Tingley Manor. Quel horrible événement! Il a été jeté de son cheval et s'est tué sur place. » Sa première impression, comme la nôtre, fut que la mort était le résultat d'un accident. On releva ensuite le corps, qu'on plaça sur le brancard, et ce fut ainsi qu'on le ramena à Tingley Manor, où nous fûmes généreusement récompensés de nos peines. « Monsieur Cumming Russell, votre camarade est mort, je crois ?»« John Dick, oui, monsieur. » Il est mort il y a 7 ans, à Noël, le pauvre vieux. Monsieur Cumming Russell, cela suffit. Le témoin appelé ensuite fut le docteur Bradnell de Highlear, type de vieillard formaliste, qui chaque jour devient de plus en plus rare. C'était l'ancien médecin de la famille. Il fit sa déclaration à voix haute, sur un ton solennel, employant les termes techniques et scientifiques, destinés à prouver que Monsieur Blake était mort des suites d'une blessure faite par un instrument contondant, soit un pieu, soit d'un gourdin. Il avait constaté 3 blessures, une seule eût suffi pour occasionner la mort. Aucun doute ne s'élevait à cet égard dans l'esprit du docteur. La mort avait dû être instantanée, et par conséquent, M. Blake n'était plus qu'un cadavre lorsqu'il avait roulé dans le fossé. M. Tomplin s'enquit si la mort n'aurait pas pu être le résultat d'une chute de cheval. M. Blake n'avait-il pas été projeté violemment de la selle, en essayant de sauter la haie? Le docteur. Je n'hésite pas à affirmer que 3 blessures pareilles ne sauraient être accidentelles. Je n'hésite pas davantage à affirmer qu'il est inadmissible qu'aucun chasseur de sang-froid tente de franchir un obstacle de 5 pieds de haut, plus le fossé en revenant de la chasse. C'est inadmissible. Monsieur Tomplin. Vous venez de nous dire que la blessure avait dû être occasionnée par un pieu ou un gourdin. aurait-elle eu un caractère différent, suivant l'un ou l'autre cas ? Le docteur. Assurément. Une blessure faite par un pieu serait dentelée, en supposant que le pieu fût pointu et le sang serait extravasé. Un coup de gourdin produirait une blessure couturée. Monsieur Tomplin. Ces blessures ne portaient-elles pas l'évidence d'avoir été causées par un pieu, docteur ? Le docteur. Je l'ai cru pendant un certain temps. Par la raison qu'on découvrit, à 1 kilomètre du lieu où le crime avait été commis, un trou dans une haie, trou pratiqué avec précipitation et violence. Monsieur Tomplin. L'endroit en question était-il plus près de Highley que du lieu du crime ? Le docteur. Oui, plus près de la roue de Highley. L'avocat de la défense remarqua que Vargas avait déclaré qu'il avait frappé M. Blake avec un gourdin, et appuya sur ce point. Mais cette circonstance d'un pieu arraché à la haie près de l'endroit du crime introduisit dans l'affaire un nouvel élément de doute.